Chapitre 35. La nuit, tous les chats sont gris. Ce soir, attendu si impatiemment par Porthos et par D'Artagnan, arriva enfin. D'Artagnan, comme d'habitude, se présenta vers les 9 heures chez Milady. Il la trouva d'une humeur charmante. Jamais elle ne l'avait si bien reçue. Notre Gascon vit du premier coup d'œil que son billet avait été remis, et ce billet faisait son effet. À 10 heures, Milady commença à paraître inquiète. D'Artagnan comprit ce que cela voulait dire. D'Artagnan se leva et prit son chapeau. Milady lui donna sa main à baiser. « Elle l'aime diablement, » murmura-t-il. Puis il sortit. Cette fois, Ketty ne l'attendait aucunement. Il fallut que D'Artagnan trouvât tout seul l'escalier et la petite chambre. Ketty était assise, la tête cachée dans ses mains, et pleurait. Comme l'avait présumé D'Artagnan, Milady, en recevant la lettre, avait, dans le délire de sa joie, tout dit à sa suivante, puis en récompense, elle lui avait donné une bourse. La pauvre fille, à la voix de D'Artagnan, releva la tête. D'Artagnan lui-même fut effrayé du bouleversement de son visage. Au bout d'un instant, on entendit Milady qui rentrait dans sa chambre. D'Artagnan s'élança aussitôt dans son armoire. À peine y était-il blotti que la sonnette se fit entendre. Ketty entra chez sa maîtresse. Comme l'heure de son entretien avec le comte approchait, Milady fit tout éteindre chez elle et ordonna à Ketty de rentrer dans sa chambre et d'introduire de Wardes aussitôt qu'il se présenterait. L'attente de Ketty ne fut pas longue. À peine D'Artagnan eut-il vu par le trou de la serrure de son armoire que tout l'appartement était dans l'obscurité, qu'il s'élança de sa cachette au moment même où Ketty refermait la porte de communication. « Qu'est-ce que ce bruit ?» demanda Milady. « C'est moi, » dit D'Artagnan à demi-voix. « Moi, le comte de Wardes. » « Eh bien, » dit Milady d'une voix tremblante, « pourquoi n'entrait-il pas ?»« Comte, comte, » ajouta-t-elle, « vous savez bien que je vous attends. » En cet appel, D'Artagnan éloigna doucement Ketty et s'élança dans la chambre de Milady. D'Artagnan était dans une situation douloureuse qu'il n'avait pas prévue. La jalousie le mordait au cœur, et il souffrait presque autant que la pauvre Ketty, qui pleurait en ce même moment dans la chambre voisine. « Oui, comte, » disait Milady de sa plus douce voix, « moi aussi je vous aime. Oh, demain, demain je veux quelque gage de vous qui me prouve que vous pensez à moi, et comme vous pourriez m'oublier, tenez. » Et elle passa une bague de son doigt à celui de D'Artagnan. Elle ajouta, « Pauvre ange que ce monstre de Gascon a failli tuer. » Le monstre, c'était lui. Oh, continua Milady, est-ce que vos blessures vous font encore souffrir? Oui, beaucoup, dit D'Artagnan qui ne savait trop que répondre. Soyez tranquille, murmura Milady, je vous vengerai, moi, et cruellement. Cette femme exerçait sur lui une incroyable puissance. Il la haïssait et l'adorait à la fois. Cependant, une heure venait de sonner, il fallut se séparer. Milady le reconduisit elle-même dans l'obscurité et ne le quitta que sur l'escalier. Le lendemain, au matin, D'Artagnan courut chez Athos. Il était engagé dans une si singulière aventure qu'il voulait lui demander conseil. Il lui raconta tout. Athos fronça plusieurs fois le sourcil. Athos regardait avec attention le saphir entouré de diamants qui avait pris au doigt de D'Artagnan la place de la bague de la reine, soigneusement remise dans un écrin. « Cette bague vous vient de Milady ?» s'écria Athos, avec une voix dans laquelle il était facile de distinguer une grande émotion. « D'elle-même, elle me l'a donnée cette nuit. »« Montrez-moi donc cette bague, » dit Athos. « La voici, » répondit D'Artagnan en l'attirant de son doigt. Athos l'examina et devint très pâle. Puis il l'essaya à l'annulaire de sa main gauche. Elle allait à ce doigt comme si elle eût été faite pour lui. Un nuage de colère et de vengeance passa sur le front ordinairement calme du gentilhomme. « Connaissez-vous cette bague ?» demanda D'Artagnan. « Attendez, rendez-moi ce saphir. Celui dont je vous ai parlé doit avoir une de ses faces éraillées par suite d'un accident. » D'Artagnan tira de nouveau la bague de son doigt et la rendit à Athos. Athos tressaillit. « Tenez, » dit-il, « voyez, n'est-ce pas étrange ?» Et il montrait à D'Artagnan cette égratignure qu'il se rappelait de voir exister. « Mais de qui vous venait ce saphir, Athos ?»« De ma mère, » qui le tenait de sa mère à elle. Comme je vous le dis, c'est un vieux bijou qui ne devait jamais sortir de la famille. Et vous l'avez vendu ? Demanda avec hésitation D'Artagnan. Non, reprit Athos avec un singulier sourire. Je l'ai donné pendant une nuit d'amour, comme il vous a été donné à vous. Écoutez, vous savez si je vous aime, D'Artagnan, eh bien, croyez-moi, renoncez à cette femme. Il y a quelque chose de fatal en elle. Et vous avez raison, dit D'Artagnan. Aussi je m'en sépare, je vous avoue que cette femme m'effraie moi-même. Aurez-vous ce courage ? Dit Athos. Je l'aurai, répondit D'Artagnan. En rentrant chez lui, D'Artagnan trouva Ketty qui l'attendait. Un mois de fièvre n'eût pas plus changé la pauvre enfant qu'elle ne l'était pour cette nuit d'insomnie et de douleur. Elle était envoyée par sa maîtresse au faux de Ward. Sa maîtresse était folle d'amour, ivre de joie. Elle voulait savoir quand le comte lui donnerait une seconde entrevue. Et la pauvre Ketty, pâle et tremblante, attendait la réponse de D'Artagnan. Pour toute réponse, il prit donc une plume et écrivit la lettre suivante. « Ne comptez pas sur moi, madame, pour le prochain rendez-vous. » Depuis ma convalescence, j'ai tant d'occupations de ce genre qu'il m'a fallu y mettre un certain ordre. Quand votre tour viendra, j'aurai l'honneur de vous en faire part. Je vous baise les mains, comte de Ward. Ketty ne pouvait croire à ce bonheur. D'Artagnan fut forcé de lui renouveler de vive voix les assurances que la lettre lui donnait par écrit. Milady ouvrit la lettre avec un empressement égal à celui que Ketty avait mis à la portée, mais au premier mot qu'elle lut, elle devint livide. « Impossible !» s'écria Milady. « Impossible qu'un gentilhomme ait écrit à une femme une pareille lettre. » Puis tout à coup tressaillant, « Mon Dieu » dit-elle, « saurait-il ?» Et elle s'arrêta. Ses dents grinçaient. Elle était couleur de cendre. Chapitre 36. Rêve de vengeance. Le soir, Milady donna l'ordre d'introduire M. D'Artagnan aussitôt qu'il viendrait, selon son habitude. Mais il ne vint pas. Le lendemain, Ketty se présenta chez D'Artagnan, tira une lettre de sa poche et la lui remit. Cette lettre était de l'écriture de Milady, seulement cette fois, elle était bien à l'adresse de D'Artagnan et non à celle de M. de Ward. Il l'ouvrit et lut ce qui suit. « Cher M. D'Artagnan, c'est mal de négliger ainsi ses amis, surtout au moment où l'on va les quitter pour si longtemps. » Mon beau-frère et moi nous avons attendu hier et avant-hier, inutilement. En sera-t-il de même ce soir ? Votre bien reconnaissante, Lady Clarick. Est-ce que vous irez ? Demanda Ketty. Écoute, ma chère enfant, dit le Gascon qui cherchait à s'excuser à ses propres yeux de manquer à la promesse qu'il avait faite à Athos. Tu comprends qu'il serait impolitique de ne pas se rendre à une invitation si positive. Oh mon Dieu, dit Ketty. Ce serait bien pire que la première fois. L'instinct faisait deviner à la pauvre fille une partie de ce qui allait arriver. D'Artagnan la rassura du mieux qu'il put et lui promit de rester insensible aux séductions de Milady. À 9 heures sonnant, D'Artagnan était place royale. On l'introduisit. « Je n'y suis pour personne, dit Milady. Entendez-vous ? Pour personne. » Aux questions que D'Artagnan lui fit sur sa santé, Milady souriait et D'Artagnan sentait qu'il se damnerait pour ce sourire. Il eut un moment où il sentit quelque chose comme un remords de ce qu'il avait fait contre elle. Peu à peu, Milady devint plus communicative. Elle demanda à D'Artagnan s'il avait une maîtresse. « Hélas, dit D'Artagnan de l'air le plus sentimental qu'il put prendre. Pouvez-vous être assez cruel pour me faire une pareille question à moi qui, depuis que je vous ai vu, ne respire et ne soupire que par vous et pour vous ?» Milady sourit d'un étrange sourire. « Ainsi vous m'aimez ? » dit-elle. « Voyons, que feriez-vous bien pour prouver cet amour dont vous parlez ?»« Tout ce qu'on exigerait de moi, qu'on ordonne, et je suis prêt. »« À tout ?»« À tout !» s'écria D'Artagnan. « J'ai un ennemi, dit-elle. »« En vérité ?» Un ennemi qui m'a insulté si cruellement que c'est entre lui et moi une guerre à mort. Puis-je compter sur vous comme auxiliaire ? D'Artagnan comprit sur le champ où la vindicative créature en voulait venir. Vous le pouvez, madame, s'écria D'Artagnan en se précipitant à genoux et en couvrant de baisers les mains qu'on lui abandonnait.